Le Revenant, témoignage ésotérique et sarcastique de Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Écrit en 1788 dans l'ensemble Historiette, Contes et Fabliaux et publié posthume pour la première fois en 1926. Livre audio en 2017 par Stefano Francobora alias Chagans pour le libre partage et la diffusion des cultures du monde. La chose du monde à laquelle les philosophes ajoutent le moins de foi, c'est au revenant. Si cependant le trait extraordinaire que je vais rapporter, trait revêtu de la signature de plusieurs témoins et consigné dans des archives respectables, si ce trait, dis-je, et d'après ses titres et d'après l'authenticité qu'il eut dans son temps, peut devenir susceptible d'être cru, il faudra bien, malgré le scepticisme de nos stoïciens, se persuader que si tous les contes de revenants ne sont pas vrais, au moins y a-t-il sur cela des choses très extraordinaires. Une grosse madame d'Allemand, que tout Paris connaissait alors pour une femme gaie, franche, naïve et de bonne compagnie, vivait depuis plus de 20 ans qu'elle était veuve avec un certain Ménou, homme d'affaires qui logeait auprès de Saint-Jean en Grève. Madame d'Allemand se trouvait un jour à dîner chez une madame Duplatz, femme de sa tournure et de sa société, lorsqu'au milieu d'une partie que l'on avait commencée en sortant de table, un laquais vint prier madame d'Allemand de passer dans une chambre voisine. Attendu qu'une personne de sa connaissance demandait instamment à lui parler pour une affaire aussi pressée que conséquente. Madame d'Allemand dit qu'on attende, qu'elle ne veut point déranger sa partie. Le laquais revient et insiste tellement que la maîtresse de la maison est la première à presser madame d'Allemand d'aller voir ce qu'on lui veut. Elle sort et reconnaît Ménou. « Quelle affaire si pressée, lui dit-elle, peut vous engager à venir me troubler ainsi dans une maison où vous n'êtes point connu ?»« Une très essentielle, madame, répond le courtier, et vous devez croire qu'il faut bien qu'elle soit de cette espèce pour que j'aie obtenu de Dieu la permission de venir vous parler pour la dernière fois de ma vie. » À ces paroles qui n'annonçaient pas un homme très en bon sens, madame d'Allemand se trouble et fixant son ami qu'elle n'avait pas vu depuis quelques jours, elle s'effraie encore plus en le voyant pâle et défiguré. Qu'avez-vous, monsieur ? Lui dit-elle. Quels sont les motifs, et de l'état où je vous vois, et des choses sinistres que vous m'adressez ? Éclaircissez-moi au plus vite, que vous est-il donc arrivé ? Rien que de très ordinaire, madame, dit Ménou. Après 60 ans de vie, il était tout simple d'arriver au port, grâce au ciel, m'y voilà. J'ai payé à la nature le tribut que tous les hommes lui doivent. Je ne me plains que de vous avoir oublié dans mes derniers instants, et c'est cette faute, madame, dont je viens vous demander excuse. Mais monsieur, vous battez la campagne, il n'y a point d'exemple d'une telle déraison. Ou revenez à vous, ou je vais appeler à moi. N'appelez point, madame, cette visite importune ne sera pas longue. J'approche du terme qui m'a été accordé par l'Éternel. Écoutez donc mes dernières paroles, et c'est pour jamais que nous allons nous quitter. Je suis mort, vous dis-je, madame. Vous serez bientôt éclairci de la vérité de ce que je vous avance. Je vous ai oublié dans mon testament, je viens réparer ma faute. Prenez cette clé, transportez-vous à l'instant chez moi. Derrière la tapisserie de mon lit, vous trouverez une porte de fer. Vous l'ouvrirez avec la clé que je vous donne et vous emporterez l'argent que contiendra l'armoire fermée par cette porte. Ces sommes sont inconnues de mes héritiers. Elles sont à vous. Personne ne vous les disputera. Adieu, madame. Ne me suivez pas. Et Ménou disparaît. Il est aisé d'imaginer avec quel trouble madame d'Allemand rentra dans le salon de son ami. Il lui fut impossible d'en cacher le sujet. « La chose mérite d'être reconnue, lui dit madame Duplatz. Ne perdons pas un instant. » On demande des chevaux, on monte en voiture, on se transporte chez Ménou. Il était à sa porte, gisant dans son cercueil. Les deux femmes montent dans les appartements. L'ami du maître, trop connu pour être refusé, parcourt toutes les chambres qui lui plaisent. Elle arrive à celle indiquée, trouve la porte de fer, l'ouvre avec la clé qu'on lui a remise, reconnaît le trésor et l'emporte. Voilà sans doute des preuves d'amitié et de reconnaissance dont les exemples ne sont pas fréquents. et qui, si les revenants effraient, doivent au moins, l'on en conviendra, leur faire pardonner les peurs qu'ils peuvent nous causer, en faveur des motifs qui les conduisent vers nous.